L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Au temps où les Arabes dansaient, c'est une création de Radwan El-Medeb, un spectacle de danse, de chorégraphie, et peut-être plus encore. C'est Jean-Joël Le Chapelain, ce directeur de la scène nationale de Cergy-Pontoise, de l'apostrophe, qui va nous en parler. Alors, si j'ai compris le propos de ce spectacle, au départ, l'idée était de produire une forme de projet de cabaret, et au fil des événements qui se sont produits tout particulièrement, particulièrement dans les pays arabes ces dernières années, eh bien, le projet a radicalement changé, si j'ai compris Jean-Joël. Je ne sais pas s'il a radicalement changé, c'est l'artiste qui pourrait répondre, mais en tout cas, l'artiste dit qu'il y a injecté davantage de radicalité. Donc, en fait, le propos initial consistait pour Radwan El-Medeb à parler de la fascination que pouvaient avoir les Arabes dans leur pays sur l'imagerie qui circulait dans toute la doxa artistique et de divertissement des années 50, 60, 70, notamment sur les films, beaucoup le cinéma. Le cinéma a beaucoup été porteur de ça, oui. Absolument, autour de l'imagerie de ce qu'était le monde arabe, avec ces femmes qui dansaient, dont on voyait le nombril se tortiller dans tous les sens, avec la magnificence des costumes, etc. Donc Radwan voulait interroger ce regard qu'avaient les Arabes à cette époque, et comment aujourd'hui, quel est le regard qui est porté aujourd'hui. Et à ce moment-là, dit-il, les hommes, eh bien, se mettaient à, non pas plagier, mais à être entraînés par ces visions des corps en mouvement, et à les pratiquer eux-mêmes en groupe, etc., et sans aucune retenue, sans jugement, sans prohibition, sans quoi que ce soit. La fameuse danse du ventre. La fameuse danse du ventre, en effet, qui, pour dévoiler un petit peu du bout du spectacle, que l'on retrouve comme en clin d'œil à la fin du spectacle. Et avant d'arriver à ce moment-là de ce retour en arrière, eh bien, il y a cette évolution de quatre hommes, dont on voit toutes les contorsions, toutes les difficultés progressives. Enfin, on ne sait pas trop si ce sont des difficultés ou des gènes physiques à vouloir le montrer en public. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a des interdits, une chorégraphie. Des interdits. Absolument, qui se monte comme ça, qui se construit. Et ce sont un moment tout à fait fascinant qui, en fait, en écho, renvoie aux interdits d'aujourd'hui, en effet, sur ces questions, puisqu'on voit mal, y compris dans nos contrées où des Nord-Africains sont dans nos communautés, on voit mal s'exprimer ce genre de choses avec cette imagerie qui avait quelque chose un peu de peut-être tout à fait, comment dire, caricatural en effet, mais sur ce monde arabe. Et donc c'est en cela que Radwan, qui vient du monde du théâtre, qui s'est emparé un peu de la chorégraphie, qui est entre les deux, enfin, et qui vit en France aujourd'hui, est quand même marqué par ce qui s'est passé, évidemment, dans ce qu'on a coutume d'appeler le printemps arabe, et pour cause, et qui transmet par l'intérieur de ce spectacle des choses d'une subtilité, d'une profondeur qui nous touche vraiment profondément dans l'humanité que ça dégage. Un spectacle d'ailleurs sur lequel il a écrit la chose suivante que j'aimerais se partager avec les auditeurs. Au temps où les Arabes dansaient, et l'écho, lointain de ses chants et de ses danses, pris dans la tendresse de l'espoir et du souvenir, dans la ferveur des cœurs et des corps, c'est aussi l'une des faces d'un présent cruel, terne et frappé de stupeur. Ça décrit bien effectivement l'état d'esprit dans lequel il a produit et créé ce spectacle. Oui, je pense aussi que, en effet, je pense que comme cela, ce qu'il envoie ici, c'est la violence de ce monde d'aujourd'hui face à cette imagerie, encore une fois, il assimile ça à un décor de carton-pâte dans lequel le réel, d'un seul coup, est venu bousculer toute cette imagerie que l'on pouvait avoir dans la tête et qui était née de la colonisation, en fait. Une question qui me vient par rapport effectivement au contexte, on parlait de contexte de la réalité que l'on vit sur d'autres thématiques, celle de l'exil tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme d'audace à présenter un spectacle comme celui-ci dans la France d'aujourd'hui ? C'est-à-dire, il y a probablement une certaine forme d'audace qui est plus ou moins consciente ou plus ou moins assumée par les artistes qui sont d'origine maghrébine ou de l'Afrique d'une manière générale, parce que ça ne concerne pas que les Maghrébins, mais qui concerne la vision que peuvent avoir les citoyens lambda de tout ce qui représente finalement plus ou moins le monde musulman, l'islam, puisqu'il y a une assimilation complète de toutes ces choses. Donc, comme on voit que des spectacles comme celui de Castellucci sur l'humanité du Christ, en tout cas, ou de ce que dégage la chrétienté, en théorie, et puis des spectacles de Rodrigo Garcia sur d'autres sujets qui sont du même ordre, qui sont à la fois sociétaux et puis qui s'attaquent au sens... qui traitent, et non pas qui s'attaquent, ils n'attaquent que personne, mais ils traitent de sujets plus religieux ou et mystiques, on voit bien que c'est des sujets extrêmement sensibles qui soulèvent des réactions qui peuvent être quelquefois violentes, et donc qui mettent à mal ou qui peuvent mettre à mal quand même la question de la liberté d'expression, chère au monde occidental européen en tout cas, et qui en effet interroge forcément l'artiste qui monte des projets comme celui-ci. Mais le projet d'Olivier avec les migrants étant dans le même type de problématiques, de réflexions, et il est important que le théâtre public renvoie à ces questions. Il est aussi toujours important que les artistes s'en saisissent, parce que c'est avec la pluralité d'opinions et de regards que l'on peut se faire des avis, et non pas avec des dictats de quelque ordre qu'ils soient, éventuellement. Spectacle, création donc de Radwan El Medeb avec quatre interprètes sur scène, c'est bien plus que des danseurs finalement. Oui, c'est des porteurs d'une culture, d'un mouvement, d'un regard. Enfin, oui, c'est au-delà des interprètes. Alors, je précise que ce n'est pas une création récente. Hein, c'est une création de 2014, hein, un spectacle qui est quand même ancien maintenant, mais qui, en effet, donne tout son écho à la remarque sur la radicalité née des printemps arabes, puisque c'était directement en correspondance temporelle. Il en est le créateur cependant. Représentation le mardi 8 novembre, notez bien la date, mardi 8 novembre, 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, un spectacle qui est présenté dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise. Peut-être un mot pour préciser pour ceux qui découvrent Escaldance en Val d'Oise. Alors Escaldance en Val d'Oise, c'est un mouvement qui a été initié à l'origine par la DIAM, proche du Conseil Général, qui était le nom du Conseil Départemental à l'époque, et qui était un mouvement de rassemblement des théâtres et lieux culturels en faveur de la danse. Et donc ce projet, qui existe depuis plus de 13 ans maintenant, a permis, dans le cadre de l'équivalent d'un festival, de présenter au printemps de chaque année, depuis plus de 10 ans, des rendez-vous qui étaient autour de la création de pièces contemporaines et autour de l'exploration d'œuvres du répertoire montées par des chorégraphes. Et depuis 3 années maintenant, cette opération, qui s'appelle toujours Escaldance en Val d'Oise, s'exprime sur toute la durée d'une saison, avec un temps fort qui a toujours lieu au printemps sur les deux registres que je viens d'évoquer, mais qui en même temps permet une lisibilité de l'art chorégraphique sur le département, du nord au sud du département, dans des villes comme Fos, Taverny, que sais-je encore, enfin plein d'autres villes qui sont des petites ou des grosses structures. Gonesse n'a rien à voir en termes de moyens qui sont plus élevés, par exemple, que ceux de Fos, mais il y a là une convergence d'intérêts sur le développement de la danse qui se retrouve dans cet événement Escaldance en Val d'Oise. Je rappelle, au temps où les Arabes dansaient, création de Radwan El Medeb, c'est à découvrir le mardi 8 novembre, 20h30, l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, dans le cadre d'Escaldance en Val d'Oise. Autre spectacle, autre beau moment de théâtre et de culture sur la scène de l'apostrophe, c'est l'accueil d'une des figures les plus influentes du monde théâtral japonais contemporain, à savoir Oriza Hirata, auteur, metteur en scène, enseignant bien plus encore, avec Les gens de Séoul pour deux spectacles, Les gens de Séoul 1909, Les gens de Séoul 1919. Les dates ne sont pas choisies au hasard. Alors, quelques mots concernant peut-être cet auteur et metteur en scène. Et je crois avoir lu que Les gens de Séoul, les titres choisis, c'était un peu dans sa culture aussi littéraire, non sans faire référence à James Joyce, avec, pour ceux qui s'en souviennent, Les gens de Dublin. Jean de Dublin, oui, en effet, puisque c'est un regard sur une société. Et là, on pourrait se dire, pourquoi parler de... des gens de Séoul à 10 ans d'intervalle, quel intérêt ça peut présenter? Eh bien, il y en a un certain, puisque, en fait, 1909, c'est la période pendant laquelle la Corée était sous domination japonaise, et qui regarde quel est le comportement, finalement, d'une société de Japonais dans une papeterie, qui est une papeterie installée précisément à Séoul, donc, et qui décrit avec la psychologie particulière des Orientaux comment ces rapports ont lieu entre le dominant et le dominé, puisqu'on est toujours évidemment là-dedans. Donc ça, c'est 1909, sous domination japonaise, comment on les traite, ces Coréens, etc. Et puis, 10 ans plus tard, eh bien, c'est la même papeterie qui a relativement peu changé en termes de décor, et a peut-être un harmonium en plus ou en moins, mais globalement c'est à peu près la même chose, ce sont à peu près les mêmes personnes, sauf que c'est le jour de la libération de la Corée, de la domination japonaise. Et donc, dans des éléments extrêmement subtils, on voit comment les comportements entre les gens changent, et on peut être confronté aujourd'hui à ce type de regard, et c'est tout à fait intéressant avec la subtilité dans laquelle, en effet, ce grand metteur en scène japonais, Horisa Hirata, nous emporte dans cet univers, qui est, encore une fois, un univers oriental, au sens où nous n'avons pas la même façon que les Japonais de nous déplacer, n'est-ce pas, dans l'univers urbain, dans la vie de tous les jours. Et cependant, en écho et en contre-plan, ça nous renvoie à la vie dans laquelle nous vivons. Ça peut même nous renvoyer à une certaine image de ce que vivent les personnes qui ne sont pas totalement libres de leur mouvement, vraiment, même si elles sont dans une démocratie. On vient d'en parler avec l'avenue Victor Hugo, et ça renvoie par écho à tout ça, et c'est en tout cas sain et salutaire et très intelligent pour l'esprit, quoi qu'il en soit. Portrait d'une famille d'expatriés japonais, donc à Séoul, avec les deux périodes qui viennent d'être décrites. C'est une sur scène, je ne sais pas si ça va être le cas à cette occasion, deux pièces donc à voir, on va préciser les dates, 21 comédiens. Oui, c'est ça, oui. Ah oui, il y a beaucoup 21 de monde, comédiens, oui. Du monde. Il y a un décor impressionnant et beaucoup de monde, oui, ça passe beaucoup, c'est bon. Alors c'est un projet qui, comme d'ailleurs le projet d'Olivier Coulon-Jablonka, est un projet qui est porté avec le Festival d'automne, hein. Nous inscrivons dans un mouvement, puisque le spectacle de Jean de Séoul sera présenté aussi juste avant Sergi Pontoise au T2G à Gennevilliers, et donc il y a une espèce de lisibilité comme ça, et on voit aussi dans le cadre du Festival d'automne sur des thématiques qui sont proches les unes des autres et dans lesquelles on s'est retrouvés, puisqu'on poursuit depuis plusieurs années maintenant une collaboration avec ce grand festival francilien qui a une affiche qui permet de voir à peu près ce qui se fait de plus significatif aujourd'hui sur la scène européenne, on pourrait dire même mondiale par certains côtés, du théâtre et de la danse. Petite précision utile pour les spectateurs, le spectacle sera en japonais surtitré. Tarif privilégié pour les spectateurs venant sur les deux spectacles. C'est vrai qu'au travers de ce qui vient d'être dit, ça serait assez pertinent de voir les deux spectacles. Oui, c'est tout à fait édifiant de voir les deux, oui, bien sûr. Les gens de Séoul 1909, ça sera pour le jeudi 17 novembre à 19h30. Et les gens de Séoul 1919, le vendredi 18 novembre à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise, qu'on se le dise.